Bonjour à l'écoute du journal sans papier sur Radio Panique 105.4 sur la FM, un journal sans papier que nous enregistrons en direct de la VUB, dans le parking de la VUB, occupé en ce moment par les sans-papiers de l'UDEP. On va commencer par parler d'une action qui s'est déroulée mercredi, et qu'on va commencer par écouter quelques sons de cette action, cette manifestation qui a pris place de la VUB, de l'ULB pardon, puisque vous savez qu'il y a deux occupations, la VUB et l'ULB, de l'ULB jusqu'à la maison communale d'Ixelles. Et donc voilà, on commence par en écouter quelques sons et je vous laisserai la parole à vous tous qui êtes là pour en parler. Bonjour, je me nomme Abdelkarim, membre du bureau de la VUB ici au parking. Donc par rapport à la manifestation d'hier, je remercie toutes les bonnes volontés qui ont eu à se présenter sur place. On a fait la marche de ULB jusqu'à la commune d'Ixelles. Effectivement, le bourgmestre nous a réussi. On a parlé sur pas mal de choses et on est vraiment satisfait de la mesure où il a accepté pour nous une adresse. Il nous soutient, c'est une bonne chose. Mais ce qui m'a beaucoup un peu intrigué, c'est quoi? C'est parce que j'ai l'impression comme si les médias ils confondent VUB et ULB. Et durant toute la manifestation, on était ensemble, mais à ma grande surprise, tous les amis qui ont regardé la télé, les informations, ils nous ont fait comprendre que sur l'émission, on n'a parlé que de ULB, alors que c'est deux occupations totalement différentes. Donc moi, je souhaite à ce que les médias fassent un effort pour faire cette distinction. Parce que quand on dit ULB, VUB est ignoré, alors que nous aussi, de notre côté, on lutte pas mal, sur pas mal de choses. Nous avons certes des revendications qui sont similaires, c'est presque le même but, mais il faudrait que les gens comprennent que nous luttons pour la VUB, il y a ULB qui lutte pour son cas, et UDEP qui nous coiffe nous tous. Donc c'est ce que j'aimerais faire comprendre aux gens. Je vous remercie. Qui veut encore prendre la parole sur l'action de mercredi? Il faudrait peut-être dire ce qui s'est passé, effectivement. Oui, donc voilà, moi c'est Steven, je travaille pour l'UDEP depuis quelques mois. Donc en gros, ce que les sans-papiers ont décidé, c'est de mener une action qui vise à visiter tous les partis, et de se rendre enfin le 22 janvier chez un ministre Turtelbaum afin de lui remettre un dossier collectif. Hier, c'était la première manifestation qui s'est déroulée de l'ULB à la commune d'Ixelles. Une délégation a été reçue et les gros points de ces délégations, c'était de savoir ce que les représentants de la commune, étant donné que M. Descourtiers était en congé, voyaient comme interprétation à l'ancrage local, puisqu'il y a plus d'un millier de sans-papiers actuellement dans sa commune. Voir quelles aides éventuellement eux pourraient nous apporter. Et d'autres questions ont été posées, telles que l'implication de la Croix-Rouge. Est-ce qu'eux pourraient éventuellement nous apporter de nouveaux chauffages électriques, notamment pour la VUB, qui se retrouve quand même dans un parking. C'est assez précaire, où ils n'ont pas assez de chauffage, les températures baissent. Voilà. Plusieurs idées sont déjà venues. Par exemple, organiser un don de sang pour la Croix-Rouge en échange d'un prêt de radiateur, etc. Oui, donc par rapport au chauffage, effectivement, on l'entend d'ailleurs, le chauffage. Hein. Le chauffage, il n'y en a qu'un ici. Hein. Dans deux chauffages dans tout le parking. Sont deux turbines, ce ne sont pas des chauffages. Tu veux dire des réacteurs nucléaires? Voilà, ce sont deux turbines. Des avions, je sais pas. Mais c'est comme ça qu'on essaye de trouver la chaleur et activer le sans-papier. Et donc, par rapport à l'entretien que vous avez eu aux gens de la commune d'Ixelles, est-ce que vous avez eu l'impression d'avoir vraiment des réponses? Donc, nous, ce qu'on a directement demandé, c'est à rencontrer M. Descourtiers ultérieurement, mais avant le 22, car... c'est pas vraiment des réponses qu'on a eu hier, ce sont des suppositions plus. Notamment, on voudrait faire signer une pétition qui tourne déjà depuis un petit temps avec Monsieur Descourtiers, afin qu'on puisse déposer ce bilan, son point de vue, puisqu'il fait partie du PS également, sur la table de Madame Turtelbaum le 22 janvier. Maintenant, après cette action qui a été menée hier. Une délégation sera reçue demain matin au Parti Écolo, où une dizaine de représentants, une moitié de la VUB et une moitié de l'ULB seront reçus, afin de connaître leur position. Et puis on fera la même chose dans les jours à venir. Une prochaine marche est organisée le 14 janvier, qui partira du Palais de Justice à midi, en direction du MR. Et puis d'autres marches et délégations seront reçues... on espère par le CDH, le CDNV, avant de se rendre à l'OPNVLD chez la ministre de Politique et d'Asile, Madame Turtelbaum. Voilà. Bon, si je comprends bien, ici on se frictionne pour se réchauffer, puis vous frictionnez les politiques pour qu'ils s'activent un peu, quoi. C'est ça ? En tout cas, moi j'étais à la manif. Bon, c'est vrai qu'on fait pas souvent, on fait pas toujours la distinction. Je pense que si les médias ont essentiellement parlé de l'ULB, c'est parce que l'ULB est connue comme l'université francophone, et que je pense que vous faites référence au reportage de la RTBF. Et peut-être qu'ils ont oublié la VLD, je sais pas. En tout cas, moi j'ai trouvé que les gens étaient en tout cas tous ensemble, et ça c'était plutôt réjouissant. Et j'ai trouvé que c'était une manifesta qui avait une bonne ambiance, quoi. Oui, il était cool, il y avait plein d'étudiants, pas plein d'étudiants, plein de sans-papiers qui étudient. Oui, c'était super chouette, on dirait 400 personnes qui se sont sorties dans les rues, se montrer, et aussi qu'ils se sont dit, ça suffit, on est là, on existe, et ce que nous on demande, c'est un petit truc, une seule chose qu'on demande, c'est... un bout de papier de la Belgique. On veut un papier pour pouvoir travailler dignement, comme tout être humain. Mais juste maintenant, tu vois, ça fait déjà plus de 5 ans qu'on est là en train de se battre. Il y a eu des promesses de tous les représentants politiques. On a déjà fait en 2006 un tour dans tous les partis politiques. On a visité MR, PS, CDH, Écolo, CDLB. On a visité tous les partis politiques, tous ces partis, ils étaient d'accord pour gouverner et donner une régularisation, donner une solution aux gens, aux sans-papiers qui se retrouvent dans les territoires belges. Mais maintenant, on est en 2009, ça veut dire qu'ils ont passé 3 ans et on se retrouve dans la même situation qu'avant 3 ans. Quoi. Donc, cette année, en espérant que le nouvel gouvernement belge, il va assumer sa responsabilité par rapport à cette problématique de l'immigration et de gens qui se retrouvent dans au territoire belge sans papier. Nous, la misère du monde, qu'on est venu piquer leur travail, qu'on est venu voler je sais pas quoi, autant que tous ces pays de l'Europe, on va dire tous les pays capitalistes, c'est eux-mêmes qui sont coupables de que nous, on se retrouve ici. Mais moi, je suis désolé pour changer le thème, mais ça me choque, quoi. Oui, c'est-à-dire qu'avant de traiter les ressortissants des pays du Sud de profiteurs, il faudrait peut-être regarder ce que les gouvernements des pays du Nord font dans les pays du Sud. J'ai appris aujourd'hui, par exemple, que... Eh bien, il y a une entreprise taïwanaise qui a racheté énormément de terres à Madagascar et qui va les exploiter d'une façon éhontée. Ce sont des multinationales qui arrivent et qui colonisent les pays africains de façon les pays africains et d'autres pays. Je voulais poser une question par rapport à un slogan que j'ai entendu pendant la manif. Vous disiez Turtlebaum, t'es foutu. La jeunesse est dans la rue. Est-ce qu'on peut avoir peut-être un éclaircissement par rapport à ça? Oui, moi, c'est juste, je ne sais pas si j'ai bien compris la définition que vous avez donnée ou bien c'est l'attribution, je ne sais pas. C'est, on disait, Turtlebaum a foutu la jeunesse dans la rue, pas est foutu, rectificatif. Parce que, bon, certes, dans le groupe, il y en a qui ne comprennent, ils n'arrivent pas à maîtriser bien le vocabulaire français. Donc, il y en a qui prononcent, quand tu écoutes, c'est comme si on dit Turtlebaum est foutu, alors que c'est a foutu. Donc voilà, la jeunesse dans la rue. Et moi, je pensais que c'était est foutu. Non, non, il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est est foutu qu'on est en train de dire, alors que c'est a foutu. Parce qu'elle a fait de sorte que les gens se sont descendus dans la rue. Parce qu'en laissant la problématique des sans-papiers, donc, c'est une situation de désespoir pour eux. Donc, finalement, ils sont obligés de sortir pour essayer d'être visibles. Donc, c'est pourquoi on a utilisé cette expression « Turtlebaum a foutu la jeunesse dans la rue ». Et pourquoi la jeunesse? Par rapport à ça, je voulais ajouter quelque chose. La société belge doit comprendre quelque chose. S'ils ne font pas un effort pour essayer de régler la question des sans-papiers, je peux dire que c'est un piège qu'on est en train de tendre à la population, à la société belge. Je m'explique. Pourquoi? Parce qu'en laissant ces sans-papiers dans le désespoir, dans la pauvreté, parce que c'est une paupérisation même, il y a des sans-papiers qui ont des enfants. Ces enfants, eux, ils n'arrivent pas à avoir suffisamment... Économiquement, ils ne sont pas forts pour éduquer ces enfants-là. Et finalement, ces enfants seront comment? Presque analphabètes. Ils n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins, à leurs trucs. Quand ils seront grands, ils seront des enfants de la rue parce qu'ils sont mal éduqués. Ils n'arrivent pas à occuper une bonne fonction pour payer les impôts et subvenir, assurer la retraite pour les anciens, parce qu'on dit la population européenne est vieille. Il faut qu'il y ait des bras valides. Alors ces bras valides-là qui ne sont pas bien éduqués, ils n'ont pas fait les études longues, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Finalement, la population des SDF, ça grandit du jour au jour. C'est pourquoi les gens doivent fournir un effort pour aider ces sans-papiers-là, avoir leurs papiers, travailler dignement, gagner de l'argent pour pouvoir bien éduquer ses enfants, pour que ses enfants prennent la relève demain. Parce que c'est la jeunesse qui est censée diriger ce pays. Alors, s'il y a beaucoup de délinquants, Turtlebaum a commencé à comment dirais-je, maintenant on parle de la construction des nouveaux centres fermés. Mais ce sont ces enfants-là qui seront dans les centres fermés. Je vous remercie. Qui c'est qui veut ? Limouni Samir, membre de bureau. Par l'occasion, je veux remercier tous les membres de l'UDEP qui, grâce à eux, qu'on est rassemblés ici. Et vraiment, au nom de tous les occupants du VEB, on remercie tous ceux-là qui travaillent, qui veillent, qui ont sacrifié leur temps pour nous rassembler, nous tous ici, ainsi que les étudiants qui nous soutiennent aussi. C'est très important, on le remercie et on n'arrivera jamais à le remercier de ce qu'ils font avec nous, pour nous. Et je veux dire quelque chose, le sans-papier qui est là, qui sont là, ils sont tellement différents des autres occupations, parce que cette occupation ici, on trouve de tout. On trouve d'Anvers, Charleroi, Genk, Hasselt, Bruxelles, Liège, on trouve de tout. Les villes de Bruxelles, elles sont là, représentées par des sans-papiers qu'ils ont attendu si longtemps, des promesses, qu'ils ont des droits qui sont bafoués par l'Office des étrangers. Et c'est pour ça qu'on est rassemblés ici, on est déterminés à y aller jusqu'au bout. Et ce n'est pas pour un bout de papier. Maintenant, le bout de papier, c'est l'avenir des enfants, c'est l'avenir des gens. C'est aussi beaucoup de temps que des gens ils ont passé ici avec des 9-3, 9-bis, Conseil d'État, que ça peut partir jusqu'à 8 ans de procédure. Après 8 ans de procédure, il y a des familles qui se créent, il y a des liens, il y a des gens qui perdent tout ce qu'ils ont derrière eux. Et après, ils se retrouvent dans un piège. Le piège de sans-papier, qui est là? Il y a plusieurs entre nous, ils ont des enfants. Il y a des gens qui sont ici, toute leur famille, il est là. Et eux, ils doivent partir après 9 ans, 10 ans de procédure. Et c'est ça ce que j'invite tous les gens qui nous écoutent, qui viennent. Ils vont savoir qui sont le sans-papier. C'est qui le sans-papier? Ils sont les bienvenus. On va leur expliquer cas par cas. Ils vont voir les gens de quoi, pourquoi ils sont là. Merci. Merci à vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole? Moi, j'ai une question. J'avais cru comprendre que dans le bâtiment Electrabel, il y avait des sans-papiers qui étaient venus de l'extérieur de la Belgique, d'Italie, de Hollande. Et j'aimerais savoir si quelle perception vous avez de la montée des idées d'extrême droite en Italie et en France. Enfin, je dis ça parce que il me semble que ça fait partie aussi du problème que peuvent se poser les gouvernements, le gouvernement belge en particulier, de savoir comment ils se positionnent dans cette mouvance européenne. Oui, on vit ça. Nous, on est là, on vit ça. Et c'est pas nouveau, on sait pourquoi. C'est pas le sans-papier qui a créé ça. C'est Madame Tolstolbaum qui a créé ça. A bloqué toutes les procédures. Tout le monde ici, il a minimum 5 ans. Minimum, il a 5 ans en Belgique. Il a introduit minimum 1 ou 2 procédures qui aboutissent à rien. Jusqu'à qui nous a forcé, qui a forcé les gens à y aller jusqu'aux grèves de la faim. Ce que veut dire mettre sa vie en danger. Et quand on met sa vie en danger, tu vois, il n'y a pas quelque chose pire que ça. Et malheureusement, il y a des gens qui ont profité de l'occasion. Et c'est Mme Tolstolbaum qui est responsable sur ça. S'il aurait fait son travail comme il doit, on ne serait pas arrivé à ça. On ne serait pas arrivé que des gens, ils viennent d'autres pays ici à chercher les papiers avec le grève de la faim. S'il a suivi les procédures et qu'il a traité les dossiers, on ne serait pas là. Ça fait 9 ans que tout est coincé à l'Office des étrangers. Et les gens, ils ont marre, ils ont sorti. Ils ont sorti de leur maison. Et la plupart de nous, ici, on était derrière nos écrans. Chaque fois, il y a une occupation, on le soutient, mais on a des enfants, on a du travail, on a des foyers, on doit assurer. On ne peut pas se permettre d'y aller faire un grève de la faim, ou là, on est occupation. On croyait, voilà, l'occupation, il va permettre à une régularisation, au moins un circulaire, comme Mme Toltalbaum et ainsi les 5 parties, ils ont signé un accord. Où il est cet accord-là? C'est pour ça qu'on est là. Oui, en fait, le sens de ma question, c'était un peu naïf, effectivement, parce que vous me répondez par rapport au fait qu'effectivement, il y a des sans-papiers qui, ici, sont restés en Belgique pendant 9 ans, et d'autres qui arrivent et qui sont des tout neufs, quoi. Et qu'il n'y a pas de distinction entre eux. Mais c'est un vaste débat. Est-ce qu'il faut faire bloc? Et de toute façon, de façon un peu naïve, je me disais que la Belgique peut devenir aussi un pays de refuge pour des gens qui sont menacés parce que les politiques sont de plus en plus dures en France et en Italie. C'était ça le sens de ma question aussi, quoi. Par rapport aux gens qui sont venus de l'extérieur, on parlait du bâtiment d'Electrabel, c'est vrai, on a un bâtiment d'Electrabel, on s'est retrouvé avec des gens qui venaient, qui sont entendus qu'en Belgique, il faut faire une grève de la faim pendant 50 jours et tu obtiens tes papiers. Donc, de la frontière de l'Hollande, c'était pareil, ils ont entendu qu'en Belgique, ils font 50, 60 jours de grève de la faim et ils sont ces papiers. Donc, tous ces gens, ils se sont jetés, quoi. Ils ont vu une opportunité, ils ont dit, voilà, ça y est, il y a l'occasion, moi je vais exposer ma santé, je vais exposer ma vie pour avoir ces papiers. Donc, ici, au bâtiment d'Electrabel, on s'est retrouvé avec, je sais pas, 600, 700 personnes. Et une petite partie de tous ces gens, on les connaissait, on a déjà travaillé, on s'est réunis dans plusieurs assemblées générales à la salle Cosmos. Je peux te dire exactement, c'est entre 80 et 100 personnes que nous, on connaissait de ces 700 personnes. Donc, on se voyait aussi face à un autre phénomène que le gouvernement même il a créé à travers toutes ces marginalisations par rapport à son papier, avec toutes ces discriminations. Donc voilà, il a créé une autre vague d'immigration, des immigrants qui sont déjà sur le territoire européen, mais qui sont visés la Belgique, qui sont visés Bruxelles peut-être, parce que c'est là où ils sont sortis la plupart des occupations qu'ils étaient régularisés à travers une grève de la faim. Et donc maintenant, ici à VUV, à ULV, et surtout le mouvement de son papier, on souhaite bien que cette occupation, ces occupations, ils ne vont pas devoir passer par une grève de la faim. Et on fait confiance aussi à la responsabilité, à la conscience de Madame Turtelbon, et tous les autres responsables politiques. Donc on croit bien qu'on ne va pas devoir passer par une grève de la faim. Je crois qu'ils sont assez sensibilisés pour comprendre notre problème. Et on a déjà parlé plusieurs fois, on s'est rencontrés je ne sais pas combien de fois avec tous ces représentants. Je crois qu'on s'est dit tout, quoi. À un certain moment, je ne sais pas si tu te rappelles, on avait aussi créé, organisé des actions. On avait nommé le cercle de silence. C'était parce que justement, on avait déjà tout dit. On savait quoi dire encore, quoi plus dire, parce qu'on a tout dit. Et si eux, ils ne sont pas compris, ils ne sont pas là. ils n'ont pas osé le dire, ou simplement ils ne voulaient pas assumer sa responsabilité. De, par rapport à ça, je te disais tout à l'heure, Alex, que j'ai rencontré hier quelqu'un qui me racontait que un des tout premiers mouvements sans papier en Belgique, ça s'est passé en 75, et ça a été l'occupation d'une église qui est encore rue d'Arscott. Et ça a commencé par une grève de la faim. C'était des sans-papiers qui venaient de France et qui ont entamé une grève de la faim. Donc c'est pas un moyen d'action qui date d'hier, quoi. Mais ce qui serait peut-être intéressant par rapport à ce moyen d'action, c'est d'en faire un peu l'histoire et de voir à quel moment il est arrivé dans l'histoire du mouvement et quel résultat il a donné. Et le sens de ma question, c'était aussi de vous demander est-ce qu'il ne faut pas essayer de comprendre aussi quelle est la spécificité de la politique belge en matière d'immigration en ce moment, où on voit qu'en France, on a un ministre qui roule les mécaniques, qui fait, je pense à M. Hortefeux, qui parle d'immigration choisie, qui se veut comme ça moteur sur une politique d'immigration qui serait comme ça très agressive. Et on a l'impression que la Belgique suit ça mollement. C'est-à-dire que le dernier ministre disait qu'il allait lui aussi s'engager vers l'immigration choisie. Mais on n'avance pas, on ne sait pas où on va, quoi. Et ça fait aussi peut-être partie de votre problème de savoir comment agir face à un gouvernement qui, en fait, ne fait que suivre l'opinion européenne des gouvernements européens. Je ne sais pas. Voilà, ça, c'était le sens de ma question. D'accord. Pour la France et l'Italie et tout ça, c'est possible qu'on pourrait dire que pour la France c'est un peu trop visible et que le mouvement de son papier c'est là où il a trouvé un peu sa source au départ depuis 95-96. Mais la France, c'est pas la Belgique, c'est tout à fait deux pays différents, et politiquement et spécifiquement au niveau aussi localité, et au niveau aussi des citoyens, la manière dont ils s'organisent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses communes. Ce qui est commun, c'est que la politique d'immigration, elle est une compétence européenne. C'est pas que la Belgique suit la France ou bien la France suit, il y a quelqu'un qui a un monopole, mais il y a un débat européen et la tendance européenne, c'est franchement droite. Et cette droite, on peut parler, elle est très visible en France ou en Italie, mais la Belgique n'échappe pas à ça. Ça veut dire il a une droite spécifique selon la spécificité de la Belgique. Il y a la Flandre, il y a la Wallonie, il y a Bruxelles. Donc au niveau de la droite, la tendance dominante de droite, il est commun. La politique de l'immigration, il est commun. Il n'y a pas quelqu'un qui suit l'autre. Ce qu'il y a, c'est que récemment, depuis 3-4 ans, et c'est pas vrai que seulement la grève de la faim, il y avait un mouvement ici, 98, 99, 2000, c'était très intense comme maintenant, mais il n'y avait pas de grève de la faim, aucune grève de la faim. Il n'y avait pas beaucoup d'occupations, il y avait une seule occupation qui a duré depuis 98 jusqu'à 2000, et 2000 on a inscrit une régularisation conséquente, c'était massif, et 50 000 personnes ils ont abouti à la régularisation. Maintenant, actuellement, le mouvement en tant que tel, elle répond à la spécificité de la Belgique. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'en France, il n'y a pas de mouvement, mais il y a beaucoup de différences entre la France. La première chose, c'est qu'ici, en Belgique, la politique des étrangers, les séjours et tout ça, elle est gérée fédérale, au niveau fédéral. Donc, au niveau national, on a un seul interlocuteur. C'est la ministre. Donc, c'est facile d'organiser un mouvement national en masse, avec des débats, avec un seul objectif, avec le même un moyen commun. En France, non, c'est par préfecture. Ça veut dire que cette manière cette manière de s'organiser par préfecture, ça n'aide pas à organiser une unité de mouvement sur le terrain. Parce que si un groupe s'organise, il aura affaire à sa préfecture, comme ici l'équivalent de la commune. Donc un autre groupe, il s'organise, il aura comme interlocuteur un autre bourgmestre. Donc pour unifier tout ça, ce qui se passe en France, il y a des tendances nationales, mais c'est des tendances un peu à base idéologique, politique, particrate, et fort détaché de la base des sans-papiers. Il ne peut pas se trouver dans toutes les communes là où il y a des mouvements. Ici, non. Il suffit qu'un groupe ici s'organise, un groupe à Gand s'organise, un autre groupe à... Et c'est facile de créer une coordination parce que l'interlocuteur, il est un, c'est la ministre et tout ça. Ça fait la différence et que au niveau des résultats, franchement, ici en Belgique, on dépasse largement la France. La France, ils sont... Ben, je ne dis pas qu'ils sont nulle part, moi je ne connais pas la situation, je connais globalement. J'imagine que pas toutes les préfectures régularisent. Il y a beaucoup de sans-papiers qui vont aller chez les syndicats, à l'intérieur des syndicats, pour faire leur grève isolés, pas isolés. Donc on entend des mots pour ça, mais pour nous ça ne nous dit rien. Ça ne nous dit rien parce que ici aussi, au niveau des syndicats, ils viennent nous dire que les sans-papiers sont des travailleurs, il faut organiser une grève. Nous, on voit bien qu'ils sont à côté de la plaque, parce que, pourquoi ils disent ça? Ils disent ça parce qu'ils ont impressionné par la France. La France organise des grèves à l'intérieur des usines, et là, là, là, et donc dans l'abstrait, donc la Belgique doit faire pareil. Mais ici, où sont les ouvriers dans les usines? Parce qu'il y a un contexte français qui fait qu'un sans-papier dans une usine, il peut avoir un contrat ou bien il y a... Je ne connais pas très bien le détail, mais en France, tu peux être travailleur avec un contrat bien que tu aies sans-papier. Et du coup, tu peux faire grève dans ton usine avec les autres travailleurs. C'est du moment où la masse critique des travailleurs pour permettre une action syndicale, elle est permise. Ici, il n'y a pas. Il n'y a aucun sans-papier qui a un permis de travail, il travaille avec un contrat. Et c'est, si on utilise les termes français, c'est tous des travailleurs isolés. C'est-à-dire qu'ils travaillent dans des petites snacks, boulangers, marchés, etc. Tu ne peux pas organiser une grève collective à l'intérieur d'une usine. Ce que tu peux faire ici, c'est-à-dire c'est ça le débat qu'on a avec les syndicats d'ici, ce que tu peux faire, par exemple, l'endroit où il y a forte concentration de personnes sans papier à y travailler, c'est par exemple le marché, l'abattoir. Par exemple, aller à l'abattoir, parler avec tous les commerçants, c'est pas une grève, mais c'est un jour, ils arrêtent tous le travail par solidarité au mouvement de son papier, quelque chose comme ça. Mais grève, ça fait toute la différence. Les résultats qui sont ici, déjà maintenant que nous ayons un gouvernement avec un accord qui s'inscrit dans la voie de la régularisation, c'est un grand acquis, c'était pas un cadeau. C'était le mouvement se déclenchait, ça a commencé depuis 2005, 2006 avec l'occupation de Saint-Boniface. Et là, c'est pas ceux qui ont suivi l'occupation de Saint-Boniface. Le gouvernement, c'était l'ancien gouvernement, il n'y avait pas un accord, il n'était pas inscrit dans la voie de régularisation. Le contexte de Boniface a fait que le gouvernement de l'époque Philippe, eux, ils ont entamé une grève de la faim et ça a donné des manifestations de 10 000 personnes au moment où ils font grève de la faim. Et c'était aussi un contexte un peu particulier. Il y a une personne qui s'est enfuie de prison et tout là là là. Le ministre, il a flippé et il a régularisé ces personnes sans Boniface. Et là, pour nous, c'est la première fois où une grève de la faim, il a payé. Ça veut dire tous ceux qui étaient à Boniface, sauf quelques-uns, ils ont reçu leurs papiers, y compris des personnes qui venaient débarquer il y a 6 mois, 7 mois. Ça veut dire que Boniface, c'était la preuve que le gouvernement ne fonctionne pas sur des règles objectives, claires et transparentes, il agit sur des critères arbitraires, parce qu'ils ne peuvent pas justifier pourquoi ils ont régularisé celui-là ou celui-là, alors qu'il y a d'autres qui ont 6, 7 ans qui ne peuvent pas être régularisés. Et aussi, il a montré que si tu fais une grève de la faim, ça paye. Avoir des papiers. Et du coup, ça a déclenché tout le mouvement d'après 2006. Le gouvernement actuel, avec Turtelbaum, dès qu'il y avait l'accord en mars, ils se sont inscrits dans la voie de régularisation. Là, ils s'est retrouvés avec, ici à Bruxelles en tout cas, il y avait 5 occupations. Et les 5 occupations, ils sont tous décidé de faire grève de la faim. Et alors les 5 occupations pour la ministre, il a résolu le problème, c'est que il a donné les papiers à ceux qui occupaient. Pour elle, c'était l'année passée, c'était une base du mouvement, c'est-à-dire de l'UDEP depuis du mouvement de son papier, que si il se débarrasse de cette base là, le mouvement va perdre un peu sa base et puis il va un peu se calmer et tout ça. Et il a fait ça, il a résolu tous ces problèmes-là avant juillet. Juillet, tous les 5 occupations qui étaient l'année passée, elle leur a donné des 3 mois, des 6 mois, ça dépend de chaque occupation, comment elle a négocié. Et puis, il y avait l'été, et de juillet jusqu'à octobre, tout le monde associatif, et les sans-papiers, et nous aussi, c'était l'été, les vacances, on est resté en stand-by, en attendant, il y avait une date magique, le 14 octobre, dans laquelle le chef de gouvernement devait faire une déclaration, et dans la déclaration, il doit préciser un peu pour Turtelbaum comment il va travailler, parce qu'il a déjà fait une proposition de circulaire qui n'a pas rencontré la demande de l'associatif et du sans-papiers et tout ça. Ça a foiré, et puis finalement, le 14 octobre, il y avait un fonds de crise internationale, le terme n'a rien déclaré, et puis ce qu'on a vu par après, on a vu des notes politiques de Turtelbaum et son show médiatique qu'il s'en fout de tout ce qui se passe, il va maintenant construire un autre nouveau centre fermé, et tout ça, et il fait des visites à Londres, et il se dit que, bon, voilà, moi, maintenant, je peux rien faire, il faut attendre après juin. Et ça, c'est, il était appuyé par son parti VLD, qui est un poids lourd du côté de la Flandre et au niveau national aussi dans le gouvernement. Ça veut dire à ce moment-là que le PS, CDH qui est écolo, hein, écolo il est encore la position, CDH et PS qui en principe ils ont fait des promesses et tout ça, ils se retranchent derrière le VLD. Ils disent c'est lui le méchant, c'est pas nous. Et du coup, nous on s'est retrouvés dans un jeu politicien et le mouvement n'a pas tardé, c'est ça l'efficacité en Belgique, n'a pas tardé d'analyser la situation et de prendre les actions nécessaires. Et c'est suite à cette vigilance du mouvement de son papier, malgré toute la base, elle a été régularisée avant juillet. On a repris les discussions et vite on a compris que pour faire quelque chose, il faut passer à la visibilité. Et puis par là, des actions de pression. Pour être visible, il faut occuper. Et pour occuper, il n'y a personne qui va te donner une autorisation. Il faut juste aller occuper et puis négocier. Et c'est une méthode qui s'est ancrée ici, qui s'est appliquée à Electrabel. C'est une grande victoire, Electrabel, parce que sur 600 personnes qui occupaient son papier, selon la loi, ils sont tous expulsables. Ils sont tous expulsables. Alors qu'ils occupaient sauvagement un lieu, et puis après 3 semaines, il y a tous les services d'ordre qui est venu évacuer. Il n'y a personne qui s'est échappé. Ils sont tous sortis dignement à l'extérieur. Ils se sont rassemblés. Et ils sont allés dans une autre école de l'art. Ils ont fait leur assemblée aux yeux des flics, aux yeux de la loi. Et il n'y a personne qui a été arrêté, ni mis dans le centre fermé. Et, tout ça. Et ça, en soi, c'est une grande victoire. Et alors, pas après. Et maintenant, ils sont ici. Ils ont un plan. Ils ont un plan de travail et tout ça. Et ça, on ne le trouve pas en France. On ne le trouve pas en Italie. On ne le trouve pas. Et c'est pas l'extrême droite qui est fort là-bas ou là-bas qui exprime ça, c'est juste parce que c'est un mouvement bien ancré avec les gens concernés, et c'est les gens concernés qui sont organisés. Et puis par après, on voit que qui il va se tenir ou pas se tenir. C'est un mouvement qui a la capacité d'oser et de prendre les risques et de se mettre dans une situation de vulnérabilité collective, c'est-à-dire on risque d'être expulsé. Et du moment où tu te mets dans la vulnérabilité et il n'y a rien qui se passe, ils sont incapables de te toucher ou bien d'appliquer quelque chose de dans le sens de massacrer les gens via l'expulsion et machin. Du moment qu'ils sont incapables de faire ça, le mouvement devient puissant et il fait appel, il inspire, et les artistes, et les journalistes, et les sociologues, et il donne un peu de la sympathie. Il attire le soutien et ça donne une dynamique indépendamment des gens qui l'ont créé ou qui l'ont porté. Au fur et à mesure du chemin qu'ils font, il y a des personnes qui émergent, il y a un débat, il y a des comités pour des personnes qu'en dehors de ce mouvement-là, ils auraient été écartés, exclus de tout processus citoyen. Et là, ils vivent vraiment un processus citoyen. Après un mois, deux mois, tu vois plusieurs personnes qui sont capables de créer un discours par rapport à leur vie et par rapport à ce qu'ils vivent collectivement et par rapport à ce qui leur environnement politique et tout ça. C'est aussi un mouvement où il y a des formations là-dedans, il y a des leaders qui émergent. Et aussi, c'est impressionnant comme situation. Tu as un collectif, tu as des Africains, tu as des Asiatiques, tu as des Maghrébins, tu as des femmes, tu as des enfants, tu as des plus âgés. Et franchement, l'État belge, il donne des budgets énormes pour l'associatif, pour travailler l'interculturel, l'intergénérationnel, mais il reste dans la phase de discours, dans l'abstrait et machin. Et là, c'est quelque chose de sérieux. L'interculturel, ça se pratique. On le vit au quotidien. L'intergénérationnel, on se pratique, on le vit au quotidien. Et ça, c'est la génie intuitive des sans-papiers et des gens qui sont dans la marche vers la libération. Et ça répond aussi à leur spécificité de personnes qui sont en errance permanente. Voilà. C'est Mohamed Chouktari qui parlait pour la première fois dans le journal Sans-Papiers. J'en suis bien ravi. Donc c'est un débat qu'on avait déjà entamé la semaine dernière avec Benoît un peu sur l'effet que donne la politique belge immigration, qui donne l'effet d'être une politique comme ça, comment dire, avec une espèce de force de lenteur, d'inertie comme ça. Et donc que tu as très bien analysé par rapport aussi au... Bon, on pourra en reparler quoi, par rapport aussi à... disons la scène médiatique française qui fait qu'il y a un effet de résonance d'une grève dans un restaurant qui prend des proportions énormes, des choses comme ça. Il y a un sujet qu'on n'a pas encore abordé, peut-être que c'est le moment, c'est que ici à l'occupation de la VUB, s'est formé un collectif de soutien et d'artistes. Alors c'est tout nouveau comme affaire, ça date de mardi. Et donc voilà, vous l'avez entendu, c'est un collectif qui s'est appelé lui-même Papier Mâché, et donc qui commence tout doucement son action. On peut dire que cette émission fait partie un peu de cette action-là. C'est donc une action qui vise à faire venir un maximum de soutien ici à l'occupation de la VUB et bientôt peut-être à l'occupation de l'ULB. Et des actions de soutien et des actions qui pourraient faire une belle part à l'artistique. Alors je vais peut-être passer la parole à des gens qui ont participé à la première réunion. Qui c'est qui veut en parler ? Ben voilà, je m'appelle Thomas, je suis étudiant du RIT, l'école de théâtre, film et radio néerlandophone de Bruxelles. Je ne sais pas où commencer. Il y a quelques semaines, quelques gens du RIT, avec quelques gens du RIT, on a visité ici le parking du VUB et on a rencontré les occupants, on en a parlé et on est revenu. Et un des trucs qui nous frappait la première fois, c'était que Je parle de moi-même maintenant et de mes collègues. Nous, comme étudiants, on n'était pas vraiment au courant de ce qui se passait ici, même si il y a des manifs régulières, il y a des manifs chaque semaine, il y a des actions qui se passent, il y a plein de trucs qui se passent, mais d'une façon ou d'autre, les médias n'arrivent pas à les remettre chez nous. Et ça nous frappait. Et la première chose que nous, on voulait être dedans, ou on voulait regarder si on pouvait peut-être donner un petit coup de main, c'était la visibilité. Parce que peut-être, comme école de théâtre ou film et tout ça, on a peut-être les liens ou les moyens de chercher des contacts avec des gens dans lesquels le média a des intérêts. On peut chercher des artistes, des chanteurs, je sais pas, et les employer dans la lutte. Parce que tout d'un coup, si on cherche un chanteur connu et vient chanter pour les sans-papiers, il y a des gens qui les connaissent, qui sont intéressés dans sa musique et d'une façon entrent dans les problématiques. Alors ça, c'est la question de visibilité. Et de l'autre côté, on avait aussi, parce que c'est les armes avec lesquelles nous comme étudiants artistiques, comme artistes, je sais pas comment l'appeler, avec lesquelles nous on peut lutter, c'est le théâtre, c'est le film et tout ça. Alors on avait tout de suite envie de faire des projets artistiques d'une façon pour amplifier et faire visible la lutte qui se passe ici, et de l'autre côté d'essayer de faire de théâtre avec les occupants et tout ça, de pouvoir vivre ensemble, faire des trucs ensemble pour, je sais pas comment le dire, c'est un peu augmenter la qualité de vie. Alors c'est un peu les deux trucs qu'on voulait essayer d'apporter ou de renforcer. Peut-être que je passe la parole à quelqu'un du VUB. Micah. En tout cas, tu passes la parole à une demoiselle, et peut-être que mademoiselle aussi pourrait s'exprimer, histoire qu'on ne soit pas que des hommes non plus à parler. Excuse-moi. Mais elle peut parler en flamand. Non, en anglais. Je parle anglais. You want to say something? That's a occupation? Après, peut-être. Ok. Donc, zal ik in Nederlands spreken? Ou en français, c'est comme tu veux. Je sais pas. Moi, je travaille à la VUB. Et depuis le premier jour que tout le groupe est arrivé à la VUB, on est venu comme ça un peu voir ce qui se passait. Et donc, dès le début, en fait, avec un petit groupe de, je sais pas, une vingtaine de personnes à la VUB avec des étudiants, on a formé un petit groupe et on s'est divisé. Pour essayer d'organiser un peu de la nourriture ou des autres choses pour ici, pour l'occupation. Oui, je ne sais pas ce que tu veux entendre en fait, mais... Peut-être qu'on pourrait... Ça n'est pas encore fixé, ça n'est pas encore acté, mais peut-être annoncer le type d'action qu'on compte faire. Je sais qu'il a été question d'organiser peut-être une projection... Au sein de l'Uni, bon, je sais pas où ça en est, tout est encore en projet, mais quel type d'action on compte faire ici? Donc ici à la VUB, je pense premièrement, oui, on avait parlé d'une projection d'un film sur les sans-papiers, puis un débat après pour un peu informer les gens, parce que ça c'est une des grosses difficultés qu'on a rencontrées en parlant avec les gens sur la VUB même, c'est qu'ils disaient oui mais c'est tellement complexe, humainement je suis avec les sans-papiers mais après je ne vais pas prendre position parce que je m'y connais pas. Donc on pense que voilà, si on prend le temps à discuter avec les gens et de s'informer un peu sur la lutte des sans-papiers, que voilà, que les gens ils pourraient peut-être former leur opinion et se mobiliser avec nous. Après, ici à la VUB aussi, on va soutenir les actions qu'on fait ou que des sans-papiers ont organisées. Ça veut dire donc se mobiliser pour les rejoindre dans les manifestations, les visites aux partis politiques. Et puis, je pense pour le 22 de janvier aussi, ça serait très intéressant si on, voilà, si on organise quelque chose de spécial aussi pour, pendant la grande manifestation. Après, il y a quelques idées qui sont lancées dans la plateforme, mais peut-être, Thomas, tu veux en parler ? Est-ce qu'il y a différentes idées Ben oui, peut-être que c'est mieux d'abord d'expliquer un peu en plus d'où ça vient, papier mâché ou quelque chose. Ben, quel nom ? Il y a quelques jours, on a eu une réunion avec les occupants, avec les étudiants du VUB et avec les étudiants du RITS. Et on a un peu décidé qu'il nous fallait un... Ah, ok. Juste, je dis que... parce que la demoiselle que j'apostrophais tout à l'heure est partie. Donc, je disais que c'est pas grave. Si elle veut pas parler, c'est pas grave. Ok. Mais elle arrive. Apparemment, elle arrive. Ben oui, on est encore en train de le former et tout ça, mais on avait l'impression qu'il nous fallait une plateforme ou quelque chose où toutes les infos, parce que tout est vraiment, je sais pas, dispersé pour le moment, tout est partout. Il y a des infos dans le VUB, il y a des infos au RITS, il y a des infos dans l'ULB, et il nous fallait une façon de les centraliser. Pour mieux remettre en action les autres gens que nous, on cherche pour participer dans les actions. Peut-être que d'abord, je passe la parole à madame. Et ok, ça va. C'est pour plus tard, alors. Ben, on a décidé, d'une façon ou d'autre, d'appeler cette plateforme papier mâché. Le contenu n'est pas encore trop clair, mais il y a, comme Mike a dit, il y a plusieurs idées. Pour gérer des actions, il y a des idées pour projeter des films, il y a des idées pour faire des films ensemble avec vous, les occupants, il y a des idées pour organiser des concerts et inviter des artistes connus pour atteindre un beaucoup plus grand public. Ben, il y a des idées pour faire des sleep-in, pour avoir des gens qui dorment ici. Il y a des idées pour contacter les grands théâtres de Bruxelles, pour pouvoir essayer de les entrer dans le projet aussi. Il y a des idées pour organiser des jours, je sais pas comment le dire, des jours de, je crois qu'on a dit 48 heures ou quelque chose. Oui, des jours ou plusieurs jours, parce que nous, au RITS, on a des projets qu'on peut peut-être accrocher au projet ici, parce que bien sûr, il faut qu'on s'accorde avec le calendrier politique qu'il y a. Mais il y a des projets que nous, on a à l'école et qu'on aimerait bien essayer d'implémenter ici et de travailler ensemble avec les occupants. Des semaines de documentaires, tout ça, inviter des gens pour travailler ici, inviter aussi des politiciens pour avoir des débats et tout ça. Mais tout ça se gère pour le moment. Alors il faut voir avec les étudiants du VUB et aussi on essaye d'atteindre des étudiants de toutes les écoles de théâtre en Belgique pour le faire plus national. Et on les inviterait ici au parking. Il faut voir après ce que ça donne, voilà. Oui, donc l'appel est lancé, hein, si des gens qui nous écoutent ont envie de rejoindre ce collectif et de se joindre à la fête. Notamment, il y a des actions aussi. Bon, là, on a parlé de pas mal de choses, mais il y a des actions aussi, des ateliers qui vont se monter pour pouvoir faire que les manifestas soient plus belles encore que ce qu'elles ne sont. Donc on va certainement fabriquer des instruments de musique, fabriquer. J'aimerais bien qu'on fabrique des géants en papier mâché. Ce serait quand même l'occasion, puisque ça s'appelle comme ça. Donc, pour peut-être un grand géant en forme de turtle bomb, pour qu'on la voit un peu, cette ministre. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui savent même pas qu'elle est ministre. Voilà. Tu voulais ajouter quelque chose, Maïka? Je passe la parole à Mademoiselle. Do you want to say something about occupation here and how you live here and? Yeah, I came here long ago, and we've been in Belgium for a very long time. As in, we are like saying they want to share the paper, they want, as in, we've been working, as in, doing, staying in one place or the other, trying to get the paper to start working. It's like we are tired of staying in one place, because when you are staying in one place, you are getting older. There is no way you are getting younger. When you are getting older, there is no way you can work in Belgium any longer. So it's time they have to give us this paper so we can start, we can stop working in black. We have to work. We want to pay tax to this country. It's like working in black doesn't, is not giving, you are not getting future from that place. When you are working, you pay tax to the country, you have something tangible of doing in this country. It's like you are making a step. You are, as in, you have a future. As we are here now, we are just sitting here doing nothing. It's like we doesn't have a future. It's like we have been tied down in one place. We are like somebody that is in bondage. You cannot move forward, you cannot move backward, you are just in one place, you don't have anything doing. It's like, I don't really know how to put it. It's like somebody that, you are just being put down in one place. You want to work, but there is no possibility for you to work. So it's time they have to really consider us to say, okay, these people, they need paper, they have to work. It's not that they're giving us the paper, we don't want to go to the CPIS, we don't want to stay in one place without not working, we don't want to start eating their money, as if maybe because they've kept us for one place for a very long time. There are people, they gave paper 2000, they said because they didn't give them paper on time, they are not going to work, they have to stay in one place, they want to start eating money. No, we don't want to do that. We are tired of sitting in one place. Sitting in one place is like we've been tired and we are sick. Everybody here, if you watch out now, most people here, they are sick. Every time we go to Dotto, that is not our plan for we coming to this place. We coming to this place, we came here for a purpose. Why is it that we've been tired and our purpose is not being accomplished since we came here? So it's time they have to really consider us. We need to work. We are tired of staying at home. We are tired of doing one black business or the other. We want to work in this country. So we want to also pay tax. We want them to use our tax to also help those that are in need of money. So we are tired of staying. So they have to give us this paper to work. That's all. Yeah. Vous avez vu, elle a abordé une question très importante, à savoir, quand on vient dans un pays, au lieu qu'on donne à cette personne les papiers au moment où elle a la force de travailler, non, on le laisse jusqu'à l'âge de, je ne sais pas, 40 ans, 50 ans pour pouvoir lui donner les papiers pour qu'elle puisse rester et travailler. Alors qu'à partir de 50 ans, tu vas travailler au bout de combien d'années et aller à la retraite pour toucher quoi? C'est ça la misère. C'est comme notre situation et c'est ce qu'elle vient d'expliquer. Nous sommes là durant des années, il y en a qui ont fait 8 ans. Ils n'arrivent pas à travailler. Peut-être il y en a qui ont des enfants. C'est ce que j'ai expliqué au début de l'émission. Alors, ces enfants-là, les parents n'ont pas eu les moyens de les éduquer. À quand est-ce que ce problème-là sera résolu? Vous voyez? Je vous remercie. Bon, l'émission touche à sa fin. Il nous reste 2 minutes. Je vais juste conclure en disant que c'est moi qui vous remercie énormément. Et je crois que... l'enregistrement qu'on a fait là prouve encore une fois que c'est ici qu'est toute la richesse du monde et pas du tout toute la misère du monde, comme on le dit. Donc je donne rendez-vous aux auditeurs vendredi prochain pour une nouvelle émission de ce type. J'espère qu'il y en aura encore d'autres. Alors la semaine prochaine, non. Je pense que je serai à l'ULB, puisqu'il faut visiter tout le monde. Hein, et voilà. Quelqu'un veut prendre la parole pour terminer, alors? Monsieur? Qui? Oui? Non, monsieur, il veut parler en français. Vous pouvez parler anglais si vous voulez, pas de problème. Alors, I am Shahzad Khan, I am from Kashmir, and I am here from 8 years. I don't have paper, and the government gave me, after 6 years, stop my asyl, and after 6 years, I cannot go my country because there is problem, and I have no work permission. I don't have any financial help from anybody, so I am homeless, and I am living here in Park, VUB, and I become sick here, and I am very, very upset, and I cannot go anywhere. I don't have home, I don't have here family, so I appeal to government that they give us paper or some think about us, otherwise we are very sad here. Thank you. Ok, donc c'est sur cette parole qu'on va conclure l'émission et laisser donc l'antenne à l'Afrique en un déclic. Au revoir, à la semaine prochaine. Yeah.